c'est dans Paris, Oran, New York. Roulez!

Dédicace à tous les Lillois, les Belges, la Bruxelles, ils sont là. Eh, Oujda, Saïdia, aïe. Ce soir, c'est la déguste, hein. Yo Brit, sous la gym. Bonjour, ça bledit. Yo Brit, sous la gym. Bonjour, ça bledit. Il est le wesh, il est le gars sorti. Il est le bambou, il est le bambou. Il fait jouer. Mal bourre à l'hôtel ratatam. Ram, ram, gram. Am, am, ram, gram. Picole, picole, tu te sens mal bourre à l'hôtel ratatam. Ram, ram, gram. DJ, envoie ma zik, j'me sers un revêt. Oui, j'me sers un revêt. DJ, envoie ma zik, j'me sers un revêt. Oui, j'me sers un revêt. Oh. Les clubs et les engins, yeah. Grosse pointure, loup boutin, oh. On s'en va à la recherche du butin, oh. Tu passes en hein. Y'a trop de talons, ah. Dans les alentours, yeah. Et on ne se demandait comment les rumeurs tournent, yeah. Génération, ah. Nabila, Bila, je suis pas dingue de toi, petite biatch, biatch. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal, bourre à l'hôtel ratatam. Ram, ram, gram, am, amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal, bourre à l'hôtel ratatam. C'est DJ Case, yes. Au platine. Gros big up à Amine, Amine Azouz, le Marseillais. Voilà. Avec nous. Il voilà, est là. Je suis venu vous ramener un peu de soleil. J'ai vu qu'il faisait pas très beau. Mais t'es fou, cette semaine avec Paris en New York, il faisait 40 degrés voilà. Sur toute la France. Sur Skyrock. dans Skyrock, il faisait 40 degrés. Ah ouais, c'était mais chaud. À Paris, il faisait pas très beau. Ouais, mais ça, c'est les Marseillais. T'as vu, dès qu'ils viennent, ça va jamais. En tout cas, Fred, juste ouais. Pour te dire que l'album, je l'ai écouté, toi aussi tu l'as écouté, il est vraiment très, très, très, très lourd. 25 titres inédits, ça y est, c'est dispo depuis maintenant, dispo, ouais. Digitalement, et puis tout à l'heure dans les bacs un peu partout. C'est ça. Paris Oran, New York, 25 titres inédits qu'on a pu découvrir. 6,99€ sur iTunes. Et qu'on a découvert aussi depuis de nombreuses semaines dans Rail Suprême. Qu'est-ce qu'on a pu écouter d'ailleurs, Kaïs? Des extraits, pas mal d'extraits d'ailleurs, Paris Oran. Ouais, on s'est mis pas mal d'extraits, on s'est mis le titre de Jnouné, avec Rimka, Jules et Diesel. On s'est mis Hassen, Lala Sultana, on s'est mis du Rimka. Une petite série avec l'Algérino, un petit peu de tout. Est-ce que tu veux faire d'ailleurs un point sur tes soirées, Kay, sur ce qui se passe là dans les semaines à venir, ouais. À partir du 25 août, à partir de la sortie de l'album? Exactement, alors là, mardi je suis en Espagne à l'Oréal del Mar, c'est en Londoner. Attends, je te dis ça. Ok, voilà. Jeudi 28, je suis au Sofitel à Agadir. Le vendredi 29, au Must à Marrakech. Le samedi 30, dans une boîte à Toulon. C'est ça, ça à Toulon. Ouais. Et il connaît le programme par cœur, Amine aussi. Et tout à l'heure, je dirai la suite des dates. Bon, bah, en fin d'émission, on va revenir dans quelques minutes. Bougez pas, le retour de Rail Suprême avec DJ K, c'est après ça.

me cherche encore. J'ai changé mon décor. DJ Case, mon trésor. Sur Skyrock, Rail Suprême. Je me cherche encore. J'ai changé mon Paris, décor. Paris, Oran, New York, Justin Record. Mon trésor, dans allez. Ma tête, c'est le désordre. Dédicace à l'Algérino, Marseille. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Mon garde-robe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Et le titre est dans Paris, Oran, New York, grosse garde-robe. DJ Case, Algérino. En Shaoui, en Kabyle, se sème. Ça fait même en Turc, Anana, se quème. Les jaloux, on le sème, on s'en bat les clés. Nous, on a la classe. Roma, c'est des clèves. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous, on respecte, tu vas tomber sous des chiens. Tu laisses à mon rang, tu veux mon numéro. Rahitadi, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, fond de capito. Un million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bico dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. À la recherche d'une halal, pas d'excès de zèle, pas coupe dans le zèle, des fontaines de la veille, tu fais l'appel. Je fais le tour des boîtes et des chichas, les rappeurs m'envient, je fais du bif, ils sont tous en belle. Rebeu frais, rebeu agile, pourquoi tu me jalouses, rebeu agile. Momo le Suédois, Marseille. Oui, pour toi, je suis ta fin vraie et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Mon garde-robe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. Depuis qui Jacques de langue, de langue. Eh oui, l'Algérie d'eau. venaille, quartier chic, oseille. À ta glace, c'est la ville. How was it big, fit Dubaï, c'est sûr, allez venaille. Quartier chic, oseille. À ta glace, c'est la ville. À partir de demain matin, dans toutes les flaques de France, Paris, Oran, New York, faut aller le pécho, la famille. Allez, on continue avec DJ Kayz en direct sur Skyrock. Wesh, Heda Hassan, Oyonnax, parmi-nous, Lyon. Wesh, Heda, Nari Nari, Farko Kalia. Wesh, Heda, Le Frak Saïd. وش هيدا ناري ناري وفرقوك عليا وش هيدا الفراق صعيب والربطات بيا ليالي بويا وش كلي بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا وش هيدا ناري ناري وفرقوك عليا وش هيدا الفراق صعيب والربطات بيا Celui-là, c'est pour toutes les filles célibataires. Ça c'est grave. Hey, big up à tous les chaouis. Hey, DJK, dédicace à tous les Lyonnais, Marseillais qui nous écoutent. Rive Suprême en direct sur Skyrock avec DJ Kayz. Faut aller le pécho. Papi, Les épaules, les épaules, les épaules. Casablanca, Oujdas, India, Marrakech, Agadir. Hey, c'est l'été, c'est la fête sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Va bene, Casa Oujda. Reda Taliani. Et n'oubliez pas Paris en New York dans les bacs ce lundi. C'est la fête. Rail suprême, c'est la base, hein. C'est la déguste. Allez, on accélère, on déguste, c'est l'été, c'est les vacances. Dédicace à Fred, celui-là. Dédicace à tous les Kabyles. C'est la déguste. Amazon, sur Skyrock. Et sur ce morceau, il faut que tout le monde danse. Hein. Dans la voiture, à la maison, dans les chichas. Ça fait penser à la Coupe du Monde. Big up aux Algériens. Et très beau parcours à la Coupe du Monde. Allez, on y va, DJ Kaiz. Mamma mia! Et c'est déjà la fin de ce rail suprême, gros rail suprême pour gros la sortie de Paris, Oran, New York. Eh ouais. On était bien ? Ouais, oui. J'ai réuni toutes mes forces pour. Il y a du son pour tout le monde. Il y a du son pour tout le monde, des sons de l'album et des sons ambiancés, c'est l'été. Et ambiancés, attention, attention. Avec. Monsieur Amin. Franchement, Fred, ça devrait durer 2 heures, rail suprême. C'est pas assez long. Hein. Je suis d'accord. Ah, voilà. Ah. Et ben on est reparti pour une nouvelle heure. Allez. Non, on reviendra la semaine prochaine pour un prochain Rail Suprême. D'ici là, toi, tu seras en tournée. Tu l'as dit, Case, là, plutôt le Maghreb. Hein. Il y a Maroc, je crois. Exactement. Il y a l'Espagne, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, la Tunisie. Mmh. Et donc, le 26, donc mardi 26, je suis au Londoner Club à Lloret del Mar. En Espagne, il y a énormément de Français là-bas. Le jeudi 28 au Sofitel à Agadir. Le vendredi 29 au Must à Marrakech. Samedi 30, c'est à Toulon. Le 31, normalement, en Tunisie. Mmh. À Mamet. À Mamet et le vendredi 5 au Sceaux à Marrakech. Donc ça va, voilà. Et ben on suivra ça, toutes les aventures de DJ Kaiz. Et puis la semaine prochaine, dimanche prochain, tu seras aussi peut-être en Tunisie, mais aussi sur Skyrock. Exactement. Dans toute la France, incroyable. Incroyable cette technologie qui permet de mixer pour tout le monde. Dans les hôtels, il suffit d'avoir des multiprises et c'est bon. Et c'est parti. Bon bah rencard dimanche prochain. Allez. Merci. Et puis on rappelle que ça y est, hein, c'est aujourd'hui la sortie de Paris au rang New York. On a pu aujourd'hui fêter ça pendant Allez le choper, c'est du lourd. C'est du méga méga lourd, il y a 25 titres. Ouais, vraiment, c'est un album de fou, il y en a pour tout le monde. Que des sons d'été qui bougent et pour passer une rentrée excellente. Merci à Kaiz, merci à Amine. Ciao, ciao. Merci à toi Fred. Ciao, un plaisir. Une bonne soirée, on salue évidemment Marseille. Hein. Marseille. J'aime bien les taquiner. Et, mais... et un bon courage à tous ceux qui reprennent l'école aussi. Ah, je croyais que tu allais dire bon courage à l'OM, c'est vrai. Ah, écoute, ça c'est un autre problème. Ici, ouais, on s'en vrai. Fout, c'est de la musique. On va continuer à en parler tranquille, Laurent. Ça casse des nez en ce moment. Bon, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, passez une bonne soirée. Le son de Skyrock, c'est reparti. Et Rail Suprême, c'est dans une semaine. Ciao.